le temps. Demain j'arrête le temps, plus rien le matin. Je me lève plus le matin car plus rien m'attend. Je fais quoi maintenant? J'arrête une fille que je file depuis son domicile. J'arrête plus fil, elle craint de subir un homicide. Le lendemain j'arrête un flic, lui demande c'est quoi le hic lorsqu'il me sort son brolique. J'arrête les polémiques, faut que j'arrête mes balivernes ou je ne passerai pas l'hiver. Que l'on m'arrête ou pas, c'est toujours à moi-même que je suis livré. Demain j'arrête, j'arrête demain même. Demain j'arrête. Tout a commencé par la fumette. Car c'est une fois étouffée, t'as tout faux, passe-moi une allumette. Que je rallume, mec, et que je m'y mette. A cesser ces futilités avant que je finisse en miettes. Je tape le taf, leur boss et leur staff. Faut passe-moi vite une taf. Tractique, putain, j'ai un gros taf à faire. J'arrêterai de m'en faire. Mais on me ment fermement enfermé. Bientôt je sors mes appois fermés. Main deux, je fermerai les yeux. Je rêverai à me les faire crever de voir qu'il existe les cieux. Dans ces nuages nocifs, conscient qu'il reste un récit. M'approcher avant que je puisse. Encore mieux, je m'essuierai le cul. Car à présent, je fais qu'en chier ce que je sais. Au calcul, je mange pas assez. Et au réveil, émerveillé, je capture mademoiselle. Et là, le nom de ses passions nocturnes, Manuela. Autant dire que je délaisse le rap. Repose le mic, stop la track, j'attends qu'on m'attrape. Fini de prendre les condés pour les cons. Mais pourtant, c'est danser, ça contrôle que mon hip hop se compte. Le prochain soleil est loin, je suis trop à l'ouest. Pas encore au point, mais plein, croyant au Far West. Et c'est pas demain que je retournerai ma veste. C'est pas demain que je tournerai ma veste. C'est pas demain que je tournerai ma veste. Wooton 1-1. Je tiens peut-être le bon bout et je me décarcasse au boulot. Souvent la tête sous l'eau, je reste bon quand je me fracasse au goulot. Mon son s'adresse à tous les 10 heures depuis l'enfance. C'est pas que je pense, mais bon, les poulets empêchent qu'on avance des boulets. Qui s'accroche pire que Star Wars. J'attends que la lune vienne m'épauler pour se transformer en loup. Et le gars reviendra pas te sauver. Ouais, combien de fois j'ai dit demain j'arrête. Problème c'est que dans ma charrette, y'a quoi subsister jusqu'à Nazareth. J'attends pas que les poteaux soient fiers. Après avoir teasé un tonneau de bière, je m'écris. Serre-moi un autre verre. À chaque fois, c'est pour la route permis. Je sais combien ça coûte la sermie. Me kiffe sans doute, c'est ma vie, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, ça m'a permis de comprendre un tas de choses. Peut-être que sous mon pare-choc, y'aurait trop de crash. Sauf Rangers, clique le Texas, rap vengeur. Dans ce monde, je suis qu'un rongeur qui s'exclame sans slam. Je suis le plongeur qu'on regarde. Comme cause gare, je peux me courir, j'ai beau être bourré. Viens de test, c'est le whisky coca. C'est le whisky coca. Demain j'arrête le temps, plus rien le matin. Je me lève plus le matin car plus rien m'attend. Je fais quoi maintenant? Demain j'arrête le temps, plus rien le matin. Je me lève plus le matin car plus rien m'attend. Je fais quoi maintenant? Demain j'arrête le temps, plus rien le matin. Je me lève plus le matin car plus rien m'attend. Je fais quoi maintenant? Demain j'arrête le temps, plus rien le matin. Je me lève plus le matin car plus rien m'attend. Je fais quoi maintenant?